Les amoureux de la princesse Mimi par Jules Lemaître. Donc Cendrillon épousa le fils du roi. Quelques mois après, le fils du roi, ayant perdu son père, devint roi à son tour. Puis la reine Cendrillon mit au monde une petite fille qu'on appela la princesse Mimi. La princesse Mimi était belle comme le jour. Sa figure rose et ses cheveux d'or léger, traversés de soleil, la faisaient ressembler à une rose mousseuse, et elle avait beaucoup d'esprit. Quand elle eut 15 ans, il fallut la marier, car telle était la loi du royaume. Mais comme elle était princesse, elle ne pouvait épouser qu'un prince. Or, il n'y avait alors, dans tout le pays environnant, que 2 princes. Le prince Polyphème, qui était 7 fois plus grand que la princesse Mimi, et le prince Poucet, qui était 7 fois plus petit qu'elle. Et tous deux aimaient Mimi d'amour. Mais Mimi n'aimait ni l'un ni l'autre, l'un parce qu'il était trop grand, et l'autre parce qu'il était trop petit. Néanmoins, le roi lui ordonna de choisir l'un des 2 princes avant que le mois ne fût écoulé. Et il permit aux 2 princes de faire leur cour à la princesse. Et il fut convenu que celui qui serait repoussé pardonnerait à l'autre et ne lui ferait point de mal. Polyphème arriva avec des présents. C'étaient des bœufs, des moutons, des fromages et des fruits à pleine corbeille. Il était suivi de guerriers géants vêtus de peaux de bêtes cousues ensemble. Poucet apporta des oiseaux dans une cage dorée, des fleurs et des bijoux, et il était suivi de bouffons et de danseurs habillés de soie et coiffés de bonnets à grelots. Polyphème raconta son histoire à la princesse. « Ne croyez pas, lui dit-il, ce qu'un poète du nom d'Homère a rapporté sur moi. D'abord, il a dit que je n'avais qu'un œil, et vous voyez que j'en ai 2. Puis il est vrai que jadis il m'est arrivé de manger les hommes qui abordaient dans mon île. Mais si je faisais ainsi, c'est parce qu'ils étaient très petits et que je n'avais pas plus de scrupules à les manger, que vous n'en pouvez avoir à sucer à la table du roi votre père les os d'un pluvier ou d'un laprot. Mais un jour, un grec, nommé Ulysse, me fit comprendre que ces petits hommes étaient pourtant des hommes comme moi, que souvent ils avaient une famille, et que je leur faisais beaucoup de peine en les mangeant. À partir de ce jour, je ne me suis plus nourri que de la chair et du lait de mes troupeaux, car je ne suis pas méchant, et même, vous le voyez, princesse Mimi, moi, si fort et si grand, je suis avec vous aussi doux qu'un agneau nouvellement né. » Et par vanité, Polyphème ne dit point qu'Ulysse avait triomphé de lui en dépit de sa force, et lui avait crevé les yeux pendant son sommeil, et qu'il n'avait recouvré la vue que par les remèdes d'un savant magicien. Et Mimi songeait. Tout de même, il serait capable de manger s'il avait faim. Tandis que le prince Poucet est si petit que c'est moi qui pourrais le croquer si j'en avais envie. Poucet raconta son histoire à son tour. De perfides enchanteurs, dit-il, avaient voulu m'égarer dans la forêt avec mes 6 frères. Mais je semais derrière moi des cailloux blancs pour retrouver notre chemin. Par malheur, je rencontrai l'ogre. Il nous emmena dans son palais et nous fit coucher dans un grand lit. Je découvris qu'il voulait nous tuer le lendemain matin. Alors je mis dans le grand lit, à notre place, les 7 filles de l'ogre, et ce fut elles que l'ogre égorgea. Et je lui pris ses bottes de 7 lieues, qui me furent d'un grand secours dans une guerre que j'eus à soutenir contre un roi voisin, car elles me permirent d'être informé de tous les mouvements de l'ennemi. Et ainsi je suis devenu un prince très puissant. Mais je renonçai à porter ces bottes, et je les ai mises dans le musée de mon palais, parce qu'elles sont trop rudes à mes pieds, et aussi parce que, contraignant celui qui les porte à faire 7 lieues à chaque pas, elles ne sont point commodes pour la promenade. Mais je vous les montrerai, princesse Mimi. » Et par vanité, Poucet ne dit point qu'il était le fils de pauvre bûcheron. Et comme avait fait Polyphème, il mêlait le vrai et le faux, car l'amour, l'intérêt et quelquefois l'imagination nous font toujours mentir un peu. Et la princesse Mimi était émerveillée de la subtilité d'esprit du prince Poucet. Un jour, Polyphème, couché, les jambes allongées dans le salon de la princesse qu'il remplissait tout entier, lui dit de sa voix pareille au tonnerre, et dont les éclats faisaient trembler les vitraux coloriés et secouaient les fragiles étagères, « Je suis simple d'esprit, mais j'ai le cœur droit et je suis fort. J'arrache les rochers et les lance dans la mer. J'assomme les bœufs d'un léger coup de poing et les lions ont peur de moi. Venez dans mon pays. Vous y verrez des montagnes, bleues le matin, roses le soir, avec de grands lacs unis comme des miroirs et des forêts aussi vieilles que le monde. Je vous porterai partout où vous voudrez. J'irai vous cueillir, sur les plus hautes cimes, des fleurs dont aucune femme ne s'est jamais parée. Mes compagnons et moi, nous serons vos esclaves. N'est-ce pas un rare destin d'être comme une déesse toute petite servie par des géants? D'être la reine unique, mignonne comme vous êtes, des forêts, des montagnes, des torrents et des grands lacs, des aigles et des lions. La princesse était un peu émue en entendant ces paroles. Elle frissonnait, et cependant était joyeuse, comme un roitelet qui, serré dans le creux d'une large main, sentirait que cette main l'adore et que c'est lui qui tient captif l'oiseleur énorme. Mais Pousset, blotti dans un pli de la robe de Mimi, lui disait de sa grêle voix de cristal « Prenez-moi, je tiens si peu de place. Petit comme je suis, vous aurez le plaisir de songer que vous pouvez faire de moi tout ce qu'il vous plaira. J'aurai de l'esprit pour vous aimer. Je saurai vous le dire de 100 façons diverses. Et selon que vous serez triste ou gai, vive ou languissante, selon l'heure du jour et la saison de l'année, je saurai accommoder mes paroles et mes caresses au désir secret de votre cœur. Et j'aurai 1000 artifices pour vous divertir. Je vous entourerai de tout ce que l'industrie des hommes a inventé pour l'agrément de la vie. Vous n'aurez sous les yeux que des objets élégants. Vous jouirez des belles étoffes, des statues bien ciselées, des joyaux et des parfums. Je vous conterai des histoires et je vous ferai donner la comédie par des histrions ingénieux. Je sais chanter, jouer de la mandoline et composer des vers. Il est plus beau d'exprimer harmonieusement les choses vues et senties que d'enjamber les torrents. Plus difficile de dompter les mots que de dompter les lions. Plus rare d'embellir la vie par la grâce de l'esprit que d'exercer les muscles de son corps. » Et la princesse Mimi rêvait en souriant, comme si ce discours l'eût délicieusement bercée. Un matin, elle dit à ses deux soupirants, « Faites-moi des vers, je vous prie. » Le prince Pousset se recueillit un moment, puis récita ses vers, petits comme lui-même. « Bien qu'étant prince, chacun le sait, je suis fort mince, j'ai nom Pousset. Corps minuscule, gros comme rien, ne suis Hercule, m'en moque bien. La gouttelette sur les glantiers, humble, reflète le ciel entier. Et 1000 roses, une moisson, vivent encloses dans un flacon. J'ai, mais qu'importe, corps frêle et court. En moi, je porte si grand amour. Charmant, exquis, dit la princesse. Et elle se sentit fière d'être aimée d'un petit homme qui enchaînait les mots avec tant de facilité. « Bon, » dit Polyphème, « cela ne doit pas être bien difficile de faire de si petits vers. Essayez, » dit Pousset. Le géant essaya toute la journée. Il ne trouvait rien. Par moments, de son poing fermé, il se frappait le front avec colère. Mais cela n'en faisait rien sortir. Il s'étonnait et s'irritait d'être impuissant à exprimer ce qu'il sentait si vivement. Cela lui semblait injuste. Il demeurait immobile, la bouche entr'ouverte et l'œil vague. Enfin, vers le soir, il s'avisa qu'amour rimait avec jour. Quelques heures après, il vint dire à Mimi « J'ai trouvé !»« Voyons, » dit la princesse. « Voici, » dit le géant. « Vous êtes belle comme le jour, et je vous assure que j'ai pour vous beaucoup d'amour. » La princesse éclata de rire. « Est-ce que ces vers ne sont pas bons ?» demanda Polyphème. Pousset triomphait. « Ce n'était pourtant pas malaisé, » fit-il. « Vous n'aviez qu'à dire. Vous êtes bien petite, ô ma princesse blonde, mais votre petitesse emplit pour moi le monde. Ou bien, je suis un bon géant très fou qui meurt d'amour pour un joujou. Ou encore, ô petite fille, qui m'a percé d'un très vainqueur, toi qui me viens à la cheville, « comment donc as-tu fait pour atteindre mon cœur ?»« Ou, si vous le préférez, je m'en vais en deux mots vous raconter la chose. Il était grand chêne amoureux d'une rose. »« Adorable !» dit la princesse. mais elle vit dans l'œil du géant une larme grosse comme un œuf. Et il avait l'air si malheureux qu'elle eut pitié de lui. Et en même temps, il lui parut que Pousset montrait trop de satisfaction de sa propre habileté, et que cela était de mauvais goût. Elle fut d'autant plus touchée de la douceur et de la naïveté de Polyphème. « Après tout, se dit-elle, il pourrait écraser son rival d'une chiquenaude, ou simplement le mettre dans sa poche. Moi-même, bien que je sois plus grande que Pousset, il pourrait m'emporter sous son bras et faire de moi ce qu'il voudrait. Il faut qu'il soit très bon, puisqu'il ne fait rien de tout cela. » Il dit à Polyphème, « Ne vous désolez pas, mon ami, vos vers ne sont pas très bons, mais le cœur y est, et après tout, ils disent l'essentiel. » « Mais, fit Pousset, ce ne sont pas des vers, car le premier a 9 syllabes et le second en a 14 et n'a pas de césure. » « Ce sont donc, dit la princesse, des vers de poètes décadents. Taisez-vous, prince Pousset. » Le palais de la princesse Mimi était entouré d'un grand parc que traversait un grand fleuve bleu. Au milieu du fleuve, sur un flot pareil à un bouquet, s'élevait un pavillon de fine porcelaine coloriée, avec des vitraux faits de pierres précieuses réunies par des nervures d'argent. L'architecte subtil avait donné à ce pavillon la forme et l'aspect d'une immense tulipe. La princesse avait coutume d'y passer de longues heures, pour la joie de se sentir suspendue entre l'azur du fleuve et l'azur du ciel. Un jour qu'elle était là, à demi couchée, rêvant à demi, les yeux mi-clos et chantant à mi-voix de petites chansons mélancoliques, elle ne s'aperçut pas que le fleuve montait autour d'elle. Enfin, le grondement des vagues la tira de son demi-sommeil, et ouvrant la fenêtre, elle vit que le pont qui conduisait à l'îlot était submergé et que bientôt l'eau entrerait dans le pavillon. Elle eut peur et cria. Sur la rive, le roi son père, la reine Cendrillon, sa mère et le prince Pousset se désespéraient, et tous trois ensemble levaient les bras au ciel. Tout à coup Polyphème apparut. Il entra dans le fleuve, et l'eau lui venait à peine à la ceinture. En trois enjambées, il arriva au pavillon, saisit délicatement la princesse et la rapporta sur le bord. « Oh !» se dit Mimi, « que c'est beau d'être grand et fort, et que c'est doux de se sentir ainsi protégé. Avec lui, je pourrais dormir tranquille, et je n'aurai jamais ni frayeur ni souci. Je crois bien que c'est lui que je choisirai. » Elle sourit au géant, et le sourire de cette petite bouche secoua tout entier d'un frisson de plaisir le vaste corps de Polyphème. Le jour suivant, elle vit Pousset si triste que, pour le consoler, elle lui proposa de faire avec elle une belle promenade dans les champs. Elle le tenait par la main, et elle faisait semblant d'être languissante pour ne pas marcher trop vite et pour ne pas fatiguer son compagnon. Ils rencontrèrent un troupeau de moutons, et comme Pousset portait ce jour-là un pourpoint de satin cerise, un bélier, à qui cette couleur déplaisait, se détacha du troupeau et, les cornes baissées, fondit tout droit sur le petit prince. Pousset, qui avait beaucoup d'amour-propre, fit bonne contenance bien qu'il eût grand-peur. Mais au moment où le bélier allait l'atteindre, la princesse Mimi prit Pousset dans ses bras, et en même temps, elle fut assez adroite pour ouvrir son ombrelle au nez du bélier, qui s'arrêta de surprise et presque aussitôt rebroussa chemin. « Il fait bien de s'en aller, » dit Pousset. « Je n'avais pas peur de lui, et vous avez vu, princesse, comme je m'apprêtais à le recevoir. »« Oui, petit prince, je sais que vous êtes brave, » dit Mimi, et elle songeait. « Oh, que c'est bon de protéger plus faible que soi. » Certainement, on doit finir par aimer ceux à qui on est utile, surtout quand ils sont jolis et fins comme ce petit homme. Le lendemain, Pousset offrit à la princesse une petite rose presque encore en bouton, mais telle que jamais rose ne fut d'un rose si tendre et n'eut parfum plus délicat. Mimi prit la fleur en disant « Merci, mon cher petit prince. » Elle portait ce jour-là une robe à reflets changeants qui semblait faite du même tissu que l'aile des libellules. « Ah !» dit Pousset, « que vous avez une belle robe. »« N'est-ce pas ?» dit Mimi. « Et voyez comme votre rose fait bien sur mon corsage. »« Une rose, » songea Polyphème, « qu'est-ce que cela ?»« Je veux lui montrer, moi, quel bouquet je puis offrir. » Il s'en alla dans les Indes. il y découvrit un grand arbre tout fleuri de fleurs éclatantes, grandes comme des cloches de cathédrale. Et l'ayant arraché, il l'apporta à Mimi d'un air de triomphe. « Il est fort beau, » dit la princesse en riant. « Mais que voulez-vous que j'en fasse, mon cher prince? Je ne puis le mettre à mon corsage ni dans mes cheveux. » Le bon géant, tout honteux, ne sut que dire. Comme il baissait les yeux, il s'aperçut que le prince Pousset portait un habit de la même étoffe que la robe de la princesse. « Oh » fit-il. « Oui, » répondit-elle. « Je lui ai fait faire ce bel habit avec un petit morceau qui restait de ma robe. Je ne pouvais vous l'offrir à vous, car il n'y aurait pas eu de quoi vous faire seulement un nœud de cravate. » Et se tournant vers le roi, « Puisque l'heure est venue de me prononcer, mon père, c'est le prince Pousset que je prends pour mari. Le prince Polyphée me pardonnera. J'ai beaucoup d'estime pour lui, et je compatis à sa peine. » Le géant poussa un soupir dont tout le palais trembla. Puis, comme il était honnête homme, il tendit loyalement à Pousset sa vaste main, où celle du petit prince vint s'engloutir. « Rendez-la heureuse, » dit-il. Le jour du mariage, la princesse Mimi n'était ni triste ni gaie, car elle avait sans doute de l'amitié pour Pousset, mais elle ne l'aimait point d'amour. Au moment où le cortège partait pour l'église, on annonça que le prince charmant, qui était en voyage depuis plusieurs années, venait d'arriver et qu'il assisterait à la cérémonie. Le prince charmant parut. Il était un peu plus grand que la princesse, beau, de haute mine et tout plein d'esprit. Bref, le prince charmant était charmant. La princesse ne l'avait jamais vu, et même n'avait jamais entendu parler de lui. Mais aussitôt qu'il se présenta, elle devint toute pâle, puis toute rouge, et elle dit ces mots comme malgré elle. « Prince charmant, je vous attendais. Je vous aime, et je sens bien que vous m'aimez. Mais j'ai engagé ma foi à ce pauvre petit homme, et ne puis la reprendre. » Se disant, elle faillit tomber en pâmoison. Polyphème se pencha sur Pousset. « Petit prince, ce que j'ai fait, n'aurez-vous pas le courage de le faire ?»« Mais je l'aime, » dit Pousset. « C'est justement pour cela, » dit le bon géant. « Madame, » dit Pousset à la princesse Mimi, « ce bon géant a raison. Je vous aime trop pour vous posséder contre votre gré. Nous n'avions pas prévu l'arrivée du prince charmant. Épousez-le puisque vous l'aimez. » La princesse Mimi, dans un élan de joie, enleva de terre le petit prince et l'embrassa sur les deux joues en disant « Ah, que c'est gentil ce que vous faites là !» Pousset pleura et dit « Cela est plus cruel que tout le reste. » « Bien, pauvre petit prince, » dit Polyphème, « tu me raconteras ton chagrin. Nous parlerons d'elle tous les jours et nous veillerons sur elle, de loin. » Il prit Pousset sur son épaule et bientôt tous deux disparurent à l'horizon. Ainsi s'achève « Les amoureux de la princesse Mimi » de Jules Lemaître.